clic, clac, bang, you're down. Je descends ta couverture, tu t'écrases contre le mur. Te voilà enfin pur, sans le voile qui fait toi une dure. Imitation du ghetto, mec, je suis là pour démasquer. Mon fusil chargé au rap, gros, je vais tirer pour faire éclater la vérité que tu veux cacher. Tu joues le caïd, casquette, bandana, traite, insulte, frappe, le plus petit que toi. Mais la vérité, c'est que quand tu rentres chez toi, tu regardes Pokémon sur la 3. T'as frappé une grand-mère, t'es un fou. Mais regarde à la télé, t'es toujours pas aux infos. Du courage pour ça, il en faut. Comme t'en as pas dans le pantalon, pour toi, c'est chaud. Quand les flics te coursent, tu cries comme une gadji. Alors qu'à ce qui paraît, tu leur as dit de dégager. C'est ce que diront tes potes de la Tessie. C'est pour ça qu'ils te suivent en bande. Lorsque tu fais style, que tu deals, mais qu'au coin de la ville, tu les sèmes pour chercher ton Happy Meal. Imitation du ghetto. Ouais, gros. Ton gun, il est à haut. Chaud. Alors fais pas le beau. Ton cinéma, tu vis pas au ghetto. Imitation du ghetto. Ouais, ouais. Ton plan, c'est pas de la bœuf. Tire. Mais un géranium bleu. Vieux. La liane te pique les yeux. Imitation du ghetto. Ouais, ouais. Dehors, tu vends de la coque. Rob. Ils savent que c'est de la farine éco. Non. C'est pour ça qu'ils te respectent, négro. Y a-t-il un honneur à vivre au quartier, à avoir mis la main au panier? Non, non, il ne faut pas nier des choses que l'on n'a pas fait. À ce qui paraît, tu connais la prison. Ouais, c'était lors de la visite guidée pour les cons. On t'a dit fais pas ci, fais pas ça. Je leur ai répondu d'accord, monsieur, j'adore la loi. Alors pourquoi faire le cramé quand tu rentres chez toi? Dis-moi, des imitations comme toi, y'en a même pas au bled. Les mecs comme toi ont besoin d'aide. Je te parachuterai bien dans une cité de Paris ou de Marseille, côté quartier. Pour que tu vois ce que ça fait, qu'il n'y a pas que du bonheur et que tu t'es trompé. Alors arrête s'il te plaît, X Nico est là pour te démasquer. Ouais. Imitation du ghetto. Ouais, gros. Ton gun, il est à haut. Chaud. Alors fais pas le beau. Arrête. Ton cinéma, tu vis pas au ghetto. Imitation du ghetto. Ouais, ouais. Ton plan, c'est pas de la bœuf. Tire. Mais un géranium bleu. Vieux. La liane te pique les yeux. Imitation du ghetto. Ouais, ouais. Dehors, tu vends de la coque. Drogue. Ils savent que c'est de la farine éco. Non. Ça qui te respecte, négro. Éteins ta télé, c'est pas dans ta rue que c'est en train de se passer. Regarde, y'a juste un chien en train de passer. Quand tes potes voient ton portefeuille rempli de billets, savent-ils que c'est dans le Monopoly, tu les as taxés. Tu parles de drogue, gun, sexe, c'est tout. Mais quand ta petite soeur te demande t'es né où, tu lui sors l'histoire du chou. Tu connais que celle-là, c'est fou. À quel point tu veux imiter, frère, les Kaira des cités de l'enfer. Mais comparé à eux, t'es le Nike à l'envers. Stop, arrête, c'est trop, ta pète. Parce que tu ne seras jamais, limite-toi à ce que tu as déjà fait. Pas de mensonges, garde-les pour tes songes. Avant qu'un vrai cramé te ronge et qu'on éponge ton sang qui a voulu devenir chaud trop vite. Mec, un bruit de gun te met en fuite. Imagine l'impact d'une fusillade ou d'une grande filade. Alors qu'un mec refroidi, y'a pas de mérite à vivre dans une Tessie. Imitation du ghetto. Ouais, gros. Ton gun il est à haut. Chaud. Alors fais pas le beau. Arrête. Ton cinéma, tu vis pas au ghetto. Imitation du ghetto. Ouais, ouais. Ton plan, c'est pas de la bœuf. Tire. Mais un géranium bleu. Vieux. La liane te pique les yeux. Imitation du ghetto. Ouais, ouais. Dehors, tu vends de la coque. Drogue. Ils savent que c'est de la farine éco. Non. C'est pour ça qu'ils te respectent, négro.